dans une société remplie d'images que c'est bon, l'imagination, par le son. Ferme les yeux et ouvre ton oreille. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, c'est plaisant de regarder d'autres couples s'engueuler. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est énervant de croiser des couples très amoureux. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, on pourrait se contenter de quelques mètres carrés. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est bon de se rappeler qu'on peut dormir à côté. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, il n'y a que l'être aimé digne d'être regardé. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, il faut rien exagérer, on va pas se crever les yeux. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on s'émeut d'un petit rien, on est bête, on est si bien. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, il se peut qu'on se dise tiens, c'est drôle, ça me fait plus marrer. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on vénère son odeur, on respire sa sueur. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, on peut parfois prendre peur, car le corps a ses horreurs. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on adore absolument, on adule entièrement. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, on peut penser c'est marrant, ça je l'avais pas remarqué. Mais ceux qui s'aiment restent courtois. Très amoureux, on peut tout abandonner pour l'amour de sa moitié. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, on préfère y regarder, à deux fois c'est plus sérieux. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, on se mange dans la main, même si on n'a jamais faim. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, la fringale qui revient nous ramène à nos instincts. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, c'est plaisant de regarder d'autres couples s'engueuler. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est énervant de croiser des couples très amoureux. Et moi qui t'aime avec tout ça, ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je m'adresse à vous ce soir en tant que nouvelle présidente. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour votre choix. Je souhaite être la présidente d'un monde libre et juste. Je suis Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré. En effet, 2016 fut l'année d'un deuil profond pour ma famille, à la suite de la mort d'Adama Traoré, mon petit frère. Adama, bel homme débordant d'espoir, avec un avenir proche de la mort. Il est décédé le jour de son 24e anniversaire, à la suite de son interpellation par les gendarmes. Il a rendu l'âme dans les locaux de la gendarmerie de Persan. Ces gendarmes ne l'ont pas aidé à vivre, mais l'ont aidé à mourir. Adama ne reviendra plus, mais à travers son nom, nous ferons une justice juste pour tous, des droits égaux pour tous, en redonnant du sens aux trois principes fondateurs de la République : liberté, égalité, fraternité. Liberté d'être soi, avant toute autre chose, et d'être digne, quelle que soit son origine, son appartenance, son apparence, ses opinions, sa situation sociale. J'ai une pensée pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, isolées, sans domicile fixe, les migrants, ces jeunes en quête d'avenir, et cette classe moyenne en souffrance, ces agriculteurs oubliés. Je pense également à nos arrière-grands-parents qui ont soutenu l'effort de guerre, à nos grands-parents qui ont participé à la reconstruction, à nos parents, à nos frères et à nos sœurs que l'on appelle aujourd'hui, encore de manière péjorative, des immigrés. L'égalité pour l'accès à l'éducation, à la santé, au logement, à la justice. En France, en 2016, 14% de la population est considérée comme pauvre. Plus de 6 millions de personnes sont demandeuses d'emploi. 2017 doit être l'année où l'État sera à l'écoute du peuple, l'année de tous les espoirs mis ensemble. La fraternité. L'objectif étant de développer la solidarité. Car malgré mon réalisme face aux problèmes auxquels est confrontée la France, je reste enthousiaste sur les capacités du pays à rebondir et à évoluer collectivement. La première mission de cette nouvelle année sera de remplacer l'actuel ministre de l'Injustice par un véritable ministre de la Justice et de mettre en place un nouveau secrétariat d'État à la sécurité des populations. L'indépendance de ces institutions sera assurée par la séparation stricte du pouvoir démocratique et populaire des syndicats de police. Mes chers compatriotes, j'imagine un gouvernement qui nous ressemble, composé de militants de l'égalité et des droits pour tous, qui vivent et résistent sur le terrain. Il apparaît important d'expliquer pourquoi nous en sommes venus à me confier ces responsabilités. Mon frère Adama n'est pas le premier mort asphyxié par les représentants de l'ordre. Il accompagne tragiquement Lamine Dieng, mort en 2007, Hakim Ajini en 2008, pour ne citer qu'eux. D'autres sont décédés dans l'indifférence, sous les balles ou les grenades comme Rémi Fraisse. Ils s'ajoutent à une longue liste. Je tiens à rendre hommage à toutes les familles de victimes dans le désespoir, en quête de justice et vérité. Transformons ce désespoir en espoir pour une lutte digne et forte. Les quartiers populaires souffrent de ce mépris depuis plusieurs décennies. L'année 2016 a été une année charnière dans l'expression des violences et des crimes d'État qui a révélé à notre peuple bien des vérités. La première de ces vérités, c'est que les quartiers populaires de France ont été pendant des décennies la scène des violences d'État. Nombreuses sont les victimes à jamais mutilées dans leur chair et leur esprit. Que la France cesse d'oublier les dom-toms qui subissent des violences policières croissantes. La seconde vérité, c'est que la Ve République est à bout de souffle. Les violences d'État ont cette année largement débordé les quartiers populaires, ont pris place dans les centres-villes et dans les campagnes. Les victimes de violences physiques commises par l'État ne se trouvent plus uniquement dans les quartiers. Paris, Nantes, mais aussi les ZAD, comme celle de Sivens ou Notre-Dame-des-Landes, ont vu couler le sang des manifestants à coups de flashballs, de grenades, de gaz lacrymogènes et de matraques. À chaque fois, ces violences physiques d'État se sont ajoutées à des dénis de démocratie. Projet pharaonique imposé à la population ici, ou 49.3, utilisé pour la sixième fois depuis 2012, la dernière fois au lendemain de la mort de mon petit frère, Adama. Notre humanité, nos valeurs de dignité, de justice et d'égalité doivent nous pousser ensemble à remplacer cet état d'urgence et de violence par un état de droit. Adama Traoré, décédé par asphyxie, a fait l'objet d'une pratique d'immobilisation interdite dans plusieurs pays, mais qui continue d'être autorisée en France. Mourir étouffé sous le poids de trois agents, dans le cadre d'un plaquage ventral. Cette technique policière reste fortement contestée, voire interdite dans certains pays, pour sa dangerosité. Une barbarie que la France doit interdire. Nous ferons primer sur tous les cas de légitime défense invoqués par les syndicats policiers, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Ma première décision, en tant que présidente depuis bientôt 5 minutes, est de rendre Beaumont-sur-Oise capitale du monde libre, avec à sa tête un maire proche de ses habitants. Pour conclure, chères concitoyennes, chers concitoyens, je vous encourage à participer à la vie politique française, à vous exprimer, à vous mêler au débat démocratique, car en tant que président d'un monde libre, je veillerai à ce que les peuples soient réunis et marchent côte à côte. Au nom de la famille Traoré et des habitants de la nouvelle capitale, je tiens à vous assurer de notre soutien et de notre amour. Si nous tremblons d'indignation à chaque injustice, alors indignons-nous tous ensemble. Justice et vérité pour Adama. Ce jour-là, nous marchions. Ce jour-là, nous marchions dans la rue couronnés d'optimisme et d'un espoir tout neuf né de voir avec nous 120 000 personnes marcher. Ça sentait le froid, la joie, la bière, ça sentait le pétard pirate et le pétard tout court, ça n'avait ni langue ni couleur, ça faisait beaucoup trop de bruit, ça faisait de grosses blagues grasses, ça ressemblait à mon pays debout. Et c'était beau. Alors oui, on était là contre l'extrême droite au gouvernement, contre la loi des riches et pour cette couverture sociale tellement détricotée qu'elle finit aujourd'hui par couvrir les plus pauvres comme de minuscules petits strings de putes, les obligeant à tortiller du cul pour qu'on leur crache au visage de quoi manger. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on était là, mais pas uniquement au fond. On était là aussi par envie d'exister, putain. D'avoir un rêve, une quête, un avenir, un monde à conquérir, un truc grand, fort et beau, un truc qui nous dépasse et nous tire vers le haut, un truc qui nous permet enfin de calmer cette envie de mordre dans le ciel, un combat même perdu d'avance qui donne du sens à tout ce bordel. Ce soir-là, aux infos, il parlait de 120 000 manifestants et de 30 méchants casseurs, mais c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu 120 000 colères légitimes et 120 000 manières différentes de l'exprimer. Alors oui, sur 120 000 personnes, vous risquez de trouver un ou deux pyromanes et pas mal de mecs qui ont du mal à gérer leur agressivité, c'est sûr. Mais ils font partie du peuple, de ce peuple que j'ai vu, moi, entre la gare du Nord et celle du Midi, comme 120 000 peaux rouges à l'assaut du train où vont les choses. Et ce que la télé ne vous a pas dit, c'est que toutes ces pierres qui volaient, ces gaz et ces bagnoles en flammes, tout ça, c'est la faute à l'espoir. Tout ça, c'est la faute à l'envie de changer le monde, les hommes, l'histoire, de donner du sens à la vie. C'est la faute au feu dans le ventre qui peut nous rendre plus grands que nous. C'est pas la faute aux rêves brisés, mais à ceux qui restent debout. Alors, pensez la prochaine fois qu'on vous servira des flammes aux infos. Qu'étrangement, ce qui nous rend violents, c'est aussi ce qui nous rend beaux. De l'autre côté des rails de train, de l'autre côté de la place Barat, comme de l'autre côté du monde, sur un petit banc de pierre avec une petite casquette, il y a un petit gars. Un fils de pauvre. Mais un fils de pauvre élevé dans un siècle où l'on pense que la culture est un luxe, que l'éducation populaire est accessoire, que la philosophie ne sert à rien, où l'on pense que c'est une bonne idée de bien trier les pauvres par couleur et par ethnie, de séparer les cours de religion et d'attendre sans rien faire que tout ce petit monde se haïsse lentement. Élevé par des parents usés par le travail de misère, avec cette télé allumée 24 heures sur 24, lui rappelant sans cesse qu'il a la gueule de l'ennemi, comme à peu près tous ceux qu'il aime, et ben le petit gars, hein, il sent grandir quelque chose en lui. Comme une envie d'exister, putain. D'avoir un rêve, une quête, un avenir, un monde à conquérir, un truc grand, fort et beau, un truc qui le dépasse et le tire vers le haut, un truc qui lui permet enfin de calmer cette envie de mordre dans le ciel, un combat même perdu d'avance qui donne du sens à tout ce bordel. Bah dans le quartier, il y a des mecs qui ont des réponses pour lui. Des réponses qui le réchauffent, des réponses qui le rassurent, des réponses qui le font se sentir moins con, moins pauvre et moins seul. Un jour, dans 2 mois ou dans 2 ans, le petit gars explosera dans une rame de métro. Et lorsque la télé vous repassera en boucle les images de gens comme vous et moi, couverts de cendres et de sang, rappelez-vous, tout ça c'est la faute à l'espoir, tout ça c'est la faute à l'envie, de changer le monde, les hommes, l'histoire, de donner du sens à la vie, c'est la faute au feu dans le ventre qui peut nous rendre plus grands que nous. C'est pas la faute aux rêves brisés, mais à ceux qui restent debout. Alors, pensez la prochaine fois qu'on vous servira des flammes aux infos. Étrangement, ce qui nous rend violents, c'est aussi ce qui nous rend beaux. Ceux-là, tu vois, faut pas les speeder. Faut les prendre. Très bien, ça c'est très beau. Là, tu comprends. Voilà, tu vois. C'est très bien ça. Une des choses qui me heurte le plus en ce moment, c'est la manière avec laquelle on traite la jeunesse, c'est-à-dire la manière avec laquelle une partie des intellectuels, et surtout de ce qui soit de droite ou de gauche, ont eu à poser un regard sur ce qui s'est passé par exemple sur les nuits debout, ce qui a essayé de se vivre là, ce qui a essayé de se tenter là. Qu'est-ce qui vous heurte dans ce regard des intellectuels? Vous y voyez quoi? Du mépris? Du mépris et ouais. Un refus d'accepter qu'une jeunesse que l'on considère comme inapte à la pensée tente une révolution à sa manière, qui soit une manière que l'on n'accepte pas parce qu'on considère, parce qu'on la critique, parce qu'on juge que ce n'est pas comme ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'on leur, qu'on les oblige à la fois, on les oblige à vouloir être comme nous, et en même temps, quand ils essayent d'être comme nous, on leur dit qu'ils en sont absolument incapables. Donc une sorte d'infantilisation. Je pense que aussi ça, c'est quelque chose qui m'a Et ça, c'est pas que en France. Je crois que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi au Québec quand il y a eu les manifestations il y a quelques années des jeunesses. Enfin, j'ai le sentiment que... On prend pas au sérieux les jeunes, au fond. Pas seulement qu'on les prend pas au sérieux, mais j'ai l'impression que chaque époque essaye d'inventer une manière d'assassiner sa jeunesse. Et que ce soit depuis la Première Guerre mondiale, on les a envoyés, parce que quand même l'âge moyen était de 22 ans, hein, et c'est une boucherie de plus de 20 millions de morts. Aujourd'hui, on leur fait peur, on les traumatise. Je suis complètement frappé par le fait que quand vous rencontrez des adolescents et que vous leur posez la question « qu'est-ce qui vous inquiète ?», ils vous disent pas « ce qui m'inquiète, c'est de, par exemple de ne pas être aimé de la personne dont je suis amoureuse. Moi, c'est à 17 ans, c'est ça qui m'était ma plus grande inquiétude. » Ils vont répondre avec des questions d'adultes. Ils vous disent « j'ai peur de ne pas trouver de travail, j'ai peur de ne pas savoir voilà, ce que je veux faire dans ma vie, etc. Il faut que j'aie ma famille. » Et je pense que la manière avec laquelle on écrase les adolescents, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment par une sorte de terreur, par une frayeur. Regardez ce qui va vous arriver si vous ne rentrez pas dans le cadre, vous n'aurez pas de travail, vous n'allez pas pouvoir gagner vos vies. Il y a des individus touchés par une espèce de grâce mystérieuse qu'on appelle l'art. Et ça touche certaines personnes, mais on ne sait pas pourquoi, tu vois. Cette espèce de mystère, c'est complètement religieux comme conception, tu vois. Et alors, nous, mais vous serez jamais touchés par ça, mais jamais. Nous, on a juste le droit d'aller contempler ce mystère dans des cathédrales de la culture, tu vois, comme ça. Vous êtes déjà entré dans une maison de la culture? Moi, je suis entré dans celle d'Amiens une fois. C'est immense, c'est complètement désert. Il n'y a personne dans une vraie cathédrale, au moins t'as une petite vieille qui prie. Mais là, même pas, tu vois, là t'as rien comme ça. Alors, tu rentres là-dedans, tu parles tout bas, tu sais même pas pourquoi, tu vois, comme ça, comme ça. Et puis contre un mur, t'as une rangée de bidons, des gros bidons en fer, tu vois, je sais pas, 40, 50, je me rappelle plus, tu vois, toute une rangée de bidons, ok. C'est une œuvre. Sur chacun de ces bidons, il y a une petite photographie Polaroid complètement nulle, complètement ratée. C'est exprès, hein, c'est de l'art contemporain. Et donc, il y a marqué un nom de là d'où vient la flotte. Et donc, vous comprenez que il y a un bidon du Nil, du Yangtze-Kiang, du Mississippi, de la Volga, de la Loire, ce que vous voulez. Comme ça, toute une rangée, comme ça. Et là, vous êtes devant une bifurcation intellectuelle. Dans le secret de votre conscience, personne ne vous regarde, personne ne vous écoute, il va falloir prendre une décision. Et cette décision est une décision politique. Soit vous dites... C'est complètement con. En plus, si ça se trouve, c'est bidon. Enfin, je veux dire, si ça se trouve, c'est de l'eau d'Amiens. Enfin, tu vois, je veux dire, puis je pourrais faire pareil. Moi, si on me paye le tour du monde, je veux bien ramener de la flotte de partout. C'est quoi ces conneries? Enfin, bref, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et vous êtes un prolétaire. Soit vous dites, bon, moi je trouve ça bidon, mais si je le dis, je vais avoir l'air d'un prolo. Vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche. Et vous décidez, attention parce que j'ai pesé chaque mot, vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier, je n'ai pas dit de comprendre, ok. L'art contemporain prétend expulser le sens. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. L'art contemporain dit, s'il y a un sens, il y a quelque chose à comprendre, c'est plus de l'art, c'est du socio-cul. Okay? Donc, vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier cette démarche. Et l'art contemporain, comme je l'appelle pour rire, réalise ce petit miracle qui est que dans une démocratie, l'enjeu des luttes de classe, c'est toujours le même. Hein, c'est de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires, contre les classes dominantes. L'art contemporain, la culture avec un grand cul, ça réalise exactement l'inverse. Ça incite les classes moyennes à faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires. Ça incite les classes moyennes à faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires. Depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment. Ils produisent un droit dont nous avons besoin pour pacifier notre société. Mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement. Ben oui, ça fait 2500 ans qu'on sait ça, quoi. Hein, le pouvoir rend fou, le pouvoir... Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours, Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, ben il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Ben sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils renonceront jamais, la solution elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Un citoyen c'est autonome, ça vote, il vote lui-même ses lois. Moi je suis un simple électeur. C'est-à-dire, je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyens, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent. Et quand ils... Dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Alors c'est vrai qu'on a la liberté d'expression, mais absolument sans aucune force contraignante. C'est-à-dire qu'on a le droit de blablater, si ça n'a pas d'effet, on a le droit. Dès que ça change quelque chose, c'est un massacre. Et nous appelons ça démocratie. C'est notre faute. Nous devrions faire la grève de ces momentaires. Nous devrions refuser d'appeler démocratie ce qui est son strict contraire. Nous participons à notre impuissance politique en acceptant d'appeler démocratie ce qui est la négation même de nos droits. C'est-à-dire que quand on accepte d'appeler ça démocratie, on n'arrive même pas à formuler la solution. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots. C'est du Big Brother, absolument. Hein. Ça ne s'est pas passé par hasard. C'était pas bien au début, en 1789, quand ça a commencé il y a 200 ans, et puis ça s'est pas dégradé, c'est pas du tout ça. Sieyès, un grand penseur de la Révolution française, une pointure, hein, je vous parle pas d'un second couteau, écrivait en 1789, « Les citoyens, ouvrez les guillemets, hein, c'est Sieyès qui parle, les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants ne peuvent pas écrire le droit, ne peuvent pas du tout, doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès, hein. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, Le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Mais tiens, ce gars-là n'était pas un démocrate. Et il savait très bien ce que c'était la démocratie. Vous allez le voir dans un instant. Tout le monde savait, avant 1789, tout le monde savait, Montesquieu, Aristote, ils savaient tous que l'élection est aristocratique, donc oligarchique. Aristote le disait explicitement, je vous passe la citation. Montesquieu le disait aussi explicitement, je vous passe la citation. Vous irez sur le net pour chercher, il faut que j'aille du temps. Je voudrais insister, ça c'est vraiment, c'est super important, il y a deux choses très importantes. Pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, où il y avait des riches et des pauvres. Ok, je sais qu'ils avaient mis de côté les esclaves, je sais qu'ils mettaient de côté les femmes. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle des citoyens. Les citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est les pauvres qui ont dirigé toujours. Toujours. Au contraire, on a un autre exemple. Alors, on a deux exemples historiques avec des faits. Ce n'est pas des opinions, c'est des faits. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est les pauvres qui gouvernaient. Il y avait des riches, mais ce n'est pas eux qui gouvernaient. C'est les pauvres qui gouvernaient. Et puis pendant 200 ans de gouvernement représentatif, parce que c'est comme ça que ça s'appelle notre régime, ça ne s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle un gouvernement prétendument représentatif. Et dans ce régime-là, pendant 200 ans, c'est toujours les riches qui dirigent. Toujours. Ma question, puisque le tirage au sort donne le pouvoir aux pauvres, le pauvre c'est 99%, hein, puisque l'élection donne le pouvoir aux 1% des ultra-riches, mais jusqu'à quand les pauvres, les 99%, vont-ils défendre l'élection comme si c'était une vache sacrée? Enfin, je veux dire, pour moi, il y a quelque chose d'indéfendable à voir tous ces pauvres qui défendent l'élection alors que le tirage au sort leur rendrait le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que nous tenons à l'élection? C'est parce que c'est pas la raison, parce que les faits montrent que nous n'avons pas intérêt à ça. Mais par contre, c'est les mythes. L'école dite républicaine nous apprend que depuis qu'on est tout petit, que élection égale démocratie, démocratie égale élection. Alors, depuis que tout petit, on le croit. Et donc, il y a une période de désintoxication de ces mensonges de voleurs de pouvoir. Il faut arriver à remettre les mots à l'endroit. Nous ne sommes pas en démocratie, et ce dont nous aurions besoin, c'est une démocratie avec du tirage au sort qui nous libérerait de ceux qui veulent le pouvoir. Pour changer les choses, il me semble que nous ne pouvons pas compter, il ne faut pas compter sur ceux qui ont le pouvoir en ce moment. La solution ne viendra pas d'eux. La solution, elle viendra des gens normaux, des gens simples, des gens qui ne veulent pas de pouvoir. Et là, il faut que vous connaissiez cette pensée d'Alain, qui est un penseur formidable à connaître absolument, qui disait « Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres. » Et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Si les gens bons ne veulent pas gouverner, et qu'on donne le pouvoir, comme dans le gouvernement représentatif, à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Ce piège qui est désespérant d'Alain. Alain, il a raison quand il dit ça. Il a raison dans le gouvernement représentatif. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Alors qu'on peut sortir de ce piège, de cette tenaille, je pense, avec une vraie démocratie. Une vraie démocratie où vous donnez le pouvoir à n'importe qui, et les meilleurs d'entre nous sont parmi ces n'importe qui ne veulent pas du pouvoir. C'est la démocratie qu'il nous faut. Mais c'est à nous de le vouloir. Il ne faut pas attendre que nos élus le veuillent. Ils ne le voudront jamais. Les élus, ils ne veulent pas la démocratie. Ça les foutrait au chômage, la démocratie. Le tirage au sort à Athènes, il donnait un tout petit peu de pouvoir, pas longtemps, et jamais deux fois de suite, avec plein de contrôles qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer, ce qui fait que les Athéniens, ils donnaient ce petit peu de pouvoir pour le garder pour eux. Ce n'est pas les tirés au sort qui votaient la loi. Les tirés au sort, ils faisaient la police, ils faisaient la justice, donc ils appliquaient les lois, ils faisaient les préparations des lois, parce que les Athéniens, en assemblée, ils ne pouvaient pas préparer les lois. Et parce que les représentants étaient affaiblis par le tirage au sort, les citoyens avaient la garantie qu'il restait le souverain. Il ne faut pas craindre le tirage au sort. Nous serions, nous tous, bien plus puissants avec un système de tirage au sort qui ferait que nos représentants restent nos serviteurs et ne pourraient pas devenir nos maîtres. Micro ouvert. Un micro ouvert particulier dans le sens que ce que vous allez entendre, mais c'est complètement de l'impro. C'est-à-dire que le micro se trouve dans un wagon, dans un train qui a été chamboulé parce que ça a été dit des heurts sur la voie dans la région de Bruxelles. Et puis du coup, le temps que des trains se mettent en place pour que les gens s'y retrouvent et tout ça, bah voilà, ça met du temps. Enfin, quand il y a comme ça un problème assez énorme sur une voie, eh bien, ça crée vraiment plein d'attentes. Bah, il faut vraiment plus attendre, en fait. Voilà, vous êtes bien content d'être dans le train pour rentrer chez vous quand même, mais le temps n'existe plus. Et il se fait que le micro ouvert se trouve dans un wagon avec une bande de jeunes. Et l'idée, c'était de dire, bah tiens, allez, ça vous dit de faire une émission de radio ? Les jeunes étaient vachement emballés, et donc on va s'écouter ce qui se dit dans ce micro. Alors, évidemment, il y a l'ambiance du groupe, hein, ça part dans tous les sens, il n'y a pas vraiment des fois d'écoute, c'est un peu le chaos, mais quand même il en ressort des petites choses, des grandes choses, vous allez entendre, mais c'est super important quand même de préciser ça, ni moi, ni les jeunes, nous connaissons, ça part comme ça, si ce n'est que moi quand même, j'amène des questions évidemment, voilà, j'avais envie de dire ça. On est dans le train. Alors, moi j'ai entendu qu'il y avait un problème avec les trains parce qu'il y avait quelqu'un qui avait frôlé un train. Vous avez carrément entendu autre chose. Suicide sur un train. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez entendu ça ou c'est vous qui devinez? Non, l'écrit français et néerlandais, c'est besoin gezegd. Traduction. Ce sont les contrôleurs et nos professeurs de néerlandais qui nous l'ont dit. Ah ouais, c'est bien frais, je m'en rappelle. Mamen. Alors, je me suis amusée dans ce micro ouvert, avec le recul évidemment, avec l'écoute, de remarquer des choses. Et du coup, je les mentionne. Et la première que j'ai à dire, c'est que ni les jeunes, ni moi-même, ne parlons de cette éventuelle personne humaine, hein, une personne humaine, qui se serait donc suicidée sur les voies. On ne parle absolument pas de ça, comme si c'était naturel. Et c'est vrai que je ne prends pas le train souvent, mais le peu de fois où je l'ai pris, c'est déjà arrivé. Je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans des trains complètement à l'arrêt, bloqués, chamboulés, parce que, paraît-il, un humain se serait jeté sur la voie. Et donc, voilà, je le répète, ni les jeunes, ni moi-même, on parle de ce que ça peut faire. Enfin, en tout cas, d'aborder juste le suicide, quoi. Enfin, un être humain qui jette sur la voie, on n'en parle absolument pas. Et ben voilà, on fait un petit micro ouvert dans le train. Là, il y a des jeunes de quoi de... 16 ans. Mais vous venez... 15, 16, 17. 16, et vous expliquez 16. Et vous expliquez qu'est-ce que vous faites dans le train. Alors, tout d'abord, il faut savoir que avec Victor Ancio, ça tchatche avec Manon Bourlon. Hein. Moi, je comprends rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un jumelage avec Ostmal. Près d'Anvers, près d'Antwerp. Ça, toi, c'est super Luc. Il faut savoir qu'on vient, d'une petite commune, dans le bas de. près d'Arlon, dans le bas de la Belgique. Vous venez tous de là. Oui. Et non, ça marche le jumelage, hein. Ah oui. C'est la 5e année cette fois-ci, donc on a eu droit. Nos professeurs ont organisé ça et voilà. Et ça dure depuis maintenant 35 ans. Ouais. C'est quand même quelque chose d'important. En fait. 35 ans. 35 ça, c'était la 35e année. Donc on a pu fêter l'anniversaire. C'est pas mal. On a fait le jumelage. Donc ça fait quand même longtemps que ça dure. Et la même pécho un flamand, hein, c'est pas à dire. Pour dire. Sa mère, la mère de Gilles, hein, la pécho un flamand. C'est 1800 litres. Ça permet de faire beaucoup de nouvelles rencontres. C'est vraiment super. T'inquiète, tu dois pas t'approcher. Parce que je vois qu'il est. Tu vas voir, le son, il est impeccable. Il n'y a même pas besoin. Eh bien, moi, je vous crois. Mais quand même, c'était seulement la première partie du jumelage. Mais. Parce que là, nous sommes allés vers chez eux. Et dans un mois et demi, c'est eux qui viennent chez nous. C'est le but. Un peu moins de deux mois, ça va être super cool, je crois. On s'exerce à pratiquer notre néerlandais. Et pourquoi, en fait? Vous croyez qu'il y a encore du travail? Nous sommes en Belgique, il faut savoir parler les deux langues, je trouve. Et quand ils viennent chez nous, il n'y a plus de travail, vous savez ça? Il n'y a plus de travail, c'est compliqué le travail aujourd'hui. Compliqué, mais justement, pouvoir parler deux langues, c'est mieux que rien du tout. C'est pas aisé pour tous, pour les personnes qui sont chiales, qui sont timides. Et quoi, vous projetez comment dans le futur là? Vous êtes en quelle année en fait? Italique, mais de Nederlands d'Atwell. Au moins être quelle année? Bilingue, voire trilingue, avec l'anglais. Hollandais, français, anglais. Oui, on décroche des langues là, s'il vous plaît. Ah, ok, ouais. Vous en avez encore pour combien d'années là? Vous êtes en secondaire? Un an et demi. En cinquième qu'on est. On est en cinquième. Après, c'est la réto. Et puis vous allez faire quoi en fait? Dans la communication à Liège. Ingénieur. Ouais. Toi, c'est ce que t'as envie? Voilà. Ingénieur. Ingénieur en quoi? Gestion sûrement. Mais d'abord, il doit réussir l'examen d'entrée. Hein. Pas pour gestion, droit, mais ouais. Maths, le droit. Ouais. Ah, c'est tout des métiers. Pour gagner du bif. Au Luxembourg. Le droit, c'est pas pour gagner du bif. Hein. Non, pour les gros. On doit croire quand même à quelque chose pour faire du droit. Mais j'aime bien ça. J'ai envie de faire avocat. Et pourquoi? Parce que j'aime bien défendre les gens, j'aime bien me défendre. En français, on a dû faire une simulation. Attends, t'as entendu ce qu'il disait? Oui, il aime bien défendre. Oui, défendre. Ok. Il a fait, en français, on a fait une simulation de défense de personnes et vraiment tip top nickel quoi. Avocat les boutons, au maximum. 4 minutes 15, à 4 minutes 14, il a fait... Et stop de chronomètre. Mais j'aurais pu tenir 20 minutes. Au moins. Il est fort en présentation. C'est KVO. Est-ce que tu connais le festival Eloquentia? Tu connais pas ça, mec. C'est un gars. Non, mais va voir sur internet, tu vas être impressionné si t'aimes bien être là dans la. Émile va m'y emmener cette année. Ouais. Qui ça? Émile. Il va t'emmener où? Festival. Ah, tu as entendu parler? J'aime beaucoup les festivals, vous pouvez regarder. Voilà, hein, c'est quand même pas mal, mais en fait, je fais du vélo et un jour, je suis tombé sur la route. Et en fait, j'ai cassé mon bras. Alors, j'ai dû aller à l'hôpital et l'infirmière a dû couper tous mes bracelets, donc c'est triste. Mais donc là, je suis à nouveau dans ma collection. C'est quand même... C'est pas terrible, mais c'est pas mal. Hein. Non, mais le festival Eloquentia, il connaît pas. Mais non, c'est pas parce qu'il a tous des bracelets qu'il... J'irai écouter. Mais non. Mais c'est pas un festival de musique. Non, pas de musique. C'est un gars qui a créé ça en Seine-Saint-Denis. C'est des avocats qui viennent donner formation 30 jours à une bande de jeunes pour vraiment prendre confiance. Et ils font... va voir, c'est génial. Voilà. Ils doivent vraiment écrire un texte et le présenter devant tout le monde, mais de manière avec de l'humour, avec tu vois. Extrait d'un réquisitoire ou plaidoyer. Allez, ce serait marrant. Tu sais le faire? Allez, vas-y. Travis Down. Oui, tu le fais. En français, parce que moi je comprends pas en flamand. Donc bonjour, mesdames, messieurs les jurés, monsieur le juge. Je suis ici aujourd'hui. Et toi? Je suis ici aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne devrais pas être ici. Mon client, Madame X, n'est pas coupable. Elle n'a pas tué Monsieur Y. Elle n'est pas coupable. Et je ne comprends pas. Que vous pouvez croire cela. Pouviez croire cela. Tout d'abord, ma cliente a aucun lien avec cette histoire, car au moment des faits, elle n'était pas présente. Elle était dans sa chambre d'hôtel avec son mari et elle aimait beaucoup Madame Y qui est morte ce soir-là. Moi je m'attendais à une histoire et c'est quoi la chute? Non, c'est pas une chute, c'est une défense. Hein, c'est une défense. Oui, oui, mais bon, la défense, elle a... Réquisitoire, c'est quand t'accuses. C'est plus facile un réquisitoire. Mais j'ai une question, en fait, vous êtes tous dans des bras. Ah oui, non, c'est après, je suis belle. Non, non, là, on a des options plus tard. Ah, vous avez des options différentes déjà maintenant? On est tous en général dans une école générale, mais on a chacun nos petites options différentes, mais ce qu'on a en commun ici, c'est vraiment le néerlandais. C'est pour ça qu'on peut participer au jumelage avec Osmal en Flandre. Faisons le tour. Par exemple, Colin. Je suis en économie parce que j'aime bien ça. C'est bien ça. Alors moi, j'ai du latin, vous savez, les langues grecques, romanes, c'est ma passion, j'adore ça. Moi, par exemple, ouais, j'ai 8 heures de maths par semaine, 7 heures de sciences aussi. Et j'ai il fait beaucoup de malin. Hein. Les langues, j'ai 6 heures de maths. J'ai hein. les langues un maximum. J'ai aussi sciences 7, mais voilà, hein, moi je le dis pas, j'ai maths 8, moi. Malin. Moi, sciences 5 et sciences sociales. Oh là, je pose bleu. Ouais, nous sommes vraiment... moi, je suis en maths 8 et sciences 7. Non, c'est pas vrai, il est en maths 4. J'ai néerlandais et anglais. Voilà, j'aime bien ouais. Les langues. Moi, j'ai, on est vraiment en fait, tous différents au niveau de vos options. Pompiers, pompiers. J'aime bien les pompiers. Pourquoi pas, ouais. Brandweerman. Brandweer. Et quoi, ça se passe bien en classe, à l'école et tout ça. C'est une école assez stricte. Assez stricte. Avec ses points, lui, non, c'est un liqueur de mer. Regardez ses muscles, on peut pas voir du coup. Il fait beaucoup de fitness. On touche, on peut entendre le bruit. On peut entendre le bruit. Et on sent qu'il pète des gueules, quoi. Et quoi, si on parlait un peu de se projeter dans le futur. Yeah. Se projeter dans le futur, oui. Gilles, comment Moi, j'aimerais bien partir un an à l'étranger. Donc, Où ça ? J'aimerais bien aller en Australie pour améliorer mon anglais. Parce que ma soeur a fait ça en... Où ça ? En Amérique, elle. Près de Los Angeles et tout ça. Et elle améliorait bien son anglais et je trouve que c'est une bonne expérience. Donc, j'aimerais bien faire ça après Marietto. Et après, aller à Louvain pour étudier les maths. Voilà, et voilà neuve. Ouais, Louvain la neuve, pardon, pour étudier les maths. Ok. Moi aussi, après Marietto, un an aux États-Unis pour améliorer mon anglais. Et puis j'aimerais bien aller faire la communication à Liège pour éventuellement faire l'événementiel par après. Éventuellement. Moi, j'aimerais bien faire directement mes études à Louvain, à la neuve aussi. Et puis peut-être partir un an avec Erasmus aussi dans un autre pays quand j'aurai 25, 26 ans, quand je serai déjà plus responsable de moi. Donc c'est très tendance le voyage. Ouais. On dit les voyages forment la jeunesse. Au Luxembourg, c'est bien, c'est beaucoup de personnes font ça. Ça fait beaucoup de nouvelles connaissances. Ça aide beaucoup. Alors moi, madame, il faut savoir que c'est vraiment très très compliqué. Voilà, j'aimerais bien l'année prochaine aller partir faire ma première réto, pas ma deuxième comme Gilles, hein, mais vraiment ma première réto en Flandre. Mais mes parents, ils veulent pas. Mais moi, je suis intéressé par les langues, j'aime bien tout ça. Ouais. Pourquoi tes parents, ils veulent pas ? Parce qu'en fait, l'année dernière, je suis parti 3 mois en Flandre. Allez, c'était cool pour apprendre la langue, mais pas suffisant pour être tweetalig. Pour être dingue. Oui, mais moi, c'est quand même dans mes rêves, dans mes projections. Et donc, l'année prochaine, j'aimerais bien aller faire ma première été en Flandre, ou du moins essayer. Mais j'ai quand même des dures options, et ça, c'est compliqué en Flandre. Et pour après ensuite faire mes études à Leuven, pas Louvain-la-Neuve, comme mon frère, mes amis, mais Leuven. Yeah. Et pourquoi Leuven ? Oh, parce que c'est quand même, je pense que c'est l'université, ou du moins une des universités, la plus proche de la province du Luxembourg. Et que comme mon frère fait ses études à Louvain, et doit, Louvain-la-Neuve évidemment, et doit descendre à Otigny, je prendrai le train seulement jusqu'à Bruxelles-Nord, avec lui, du moins jusqu'à Otigny, et puis pour descendre à... Malines. Non. Mechelen. Leuven. Stommerik. Et voilà. Et ensuite, j'aimerais bien faire la physique, vous voyez, parce que j'aime vraiment bien les maths. Mais il faut savoir qu'en Flandre, c'est quand même plus compliqué. Voor een Franstalig. Et donc, si je n'y arrive pas, peut-être... professeur de français, parce que je suis quand même Franstalig. Mais, ça veut dire Franstalig qui parle français, mais d'origine, vous voyez, c'est ma langue maternelle. Mais à l'étranger, vraiment, au Luxembourg ou en Flandre, dans une école avec immersion français. C'est important pour moi, vraiment. Maintenant, je vais laisser la parole à mon correspondant Colin. Colin Libouton, c'était vraiment très cool. La radio, on ne voit pas, mais on te voit avec le poing aller sur le cœur comme ça, boum, et donner un petit dommage. Ça donne. Donner beaucoup d'émotions. Et c'est comment ton prénom ? Colin. Colin, toi, on a compris que tu voulais déjà être avocat. Oui, bien sûr. Et j'aimerais bien aller in het Vlaanderen, en Flandre, pour apprendre le néerlandais. Car un week-end sur deux, je vais à Ostende, car je suis abonné au KV Ostende, de club de football. Et Ika ou Van de Vlaanderen. Et j'aime la Flandre. Et j'aimerais aller en Flandre faire des études pour mieux apprendre le néerlandais, car je ne parle pas très bien néerlandais. Mais je voudrais bien. Voudrais bien. Je voudrais bien parler néerlandais. Yeah. Mais quoi, cette option que vous avez choisie, donc elle est en cours depuis 3 années maintenant et ça. Non, non. En fait, depuis. Vous, hein. Oui, oui. Depuis notre 3e année, on a pu choisir une option. Mais on pouvait choisir seulement entre néerlandais. Non. Entre latin, économie, sciences ou encore sciences sociales, mais sans deuxième langue. Par exemple, anglais. On pouvait choisir entre anglais ou néerlandais en première, et ensuite on devait obligatoirement avoir la deuxième langue, donc anglais ou néerlandais en fonction de notre premier choix, en troisième, sauf si on prenait sciences sociales qui nous permettait d'avoir une activité complémentaire à la place de la deuxième langue. Mais depuis notre 5e année, donc cette année-ci, on pouvait choisir dans des choix un peu plus pointus, donc vraiment les maths, les sciences, et ensuite on pouvait choisir par exemple entre le latin, les langues et l'économie. Mais ça, c'était un peu plus. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas choisi l'anglais par exemple? On a l'anglais aussi. On a tous anglais, hein, sauf KVO. KVO, c'est son surnom parce que ça vient de. Club football Ostend, thank you. Well. Non, mais non. Ah, il y a une en fait, c'est vraiment, avec la 5e, on est vraiment plus responsable. On nous laisse plus de responsabilité. Colin peut chanter l'hymne d'Ostend. J'aimerais vraiment dire, excusez-moi, que mes grands-parents, enfin, je suis aussi moi-même très attaché à Ostend, né à Schoblist. À Ostend, parce que mes grands-parents ont un appartement à Ostend depuis longtemps et j'en suis très fier parce que c'est une très belle ville et j'ai toujours aimé la Flandre. Voilà. Carrément. Chut. C'est pas grave. J'ai une. L'hymne d'Ostend. Ça c'est le. Comment le. C'est l'hymne. L'hymne national. L'hymne d'Ostend. C'est la Framansonne. Non, c'est pas bon. C'est la regardez Colin, il est vraiment heureux. Ça lui tient à cœur. On voit trop qu'il est heureux. Ça lui tient à cœur, ça se voit. Plus que ses études. Mais ce n'est pas une partie, moi. C'est bien plus, c'est un plus profond et symbolique. C'est un mode de vie. C'est trop marrant, vous êtes complètement décalé un peu, vous. Hein. Je comprends. Maman me le dit souvent. C'est elle vrai? Était contente que j'aille au jumelage. Oh ouais, on est loin là encore. Ah, ouais. Maman était vraiment très contente que j'aille au jumelage. Elle s'est dit, ce serait cool pour moi, hein, mais aussi pour elle-même, pour avoir plus de calme. Que tu t'en ailles. Plus d'idées rationnelles, vous comprenez. J'ai pas compris ce que tu disais là. Ce n'est pas très important. Comme ça, on suit la conversation. Et tiens, au niveau politique, les amis, parce que moi, j'aime vraiment bien pas au sens des partis, mais du vivre ensemble. Comment vous vous positionnez dans ce... Non. Comment est-ce que vous vous intéressez? Est-ce que vous vous intéressez à... Est-ce que vous lisez des journaux? Est-ce que vous vous intéressez à... À notre âge, personnellement, nous n'avons pas assez d'implications. Journal télévisé, ma... On sera interrogé par les journaux. Je trouve que nous n'avons pas assez d'implications à notre âge dans la société pour devoir avoir un avis. Excellent. Dans moins de 2 ans... Tu veux dire qu'on ne vous forme pas assez pour non, comprendre un peu ce qui se passe dans notre monde? À partir des saisons, c'est ça que tu veux dire? Si, assez, enfin... Mais n'aie pas peur, hein. Moi, je trouve, personnellement, les jeunes sont quand même... Les students, ils sont quand même un peu dans leur bulle, quoi. Après, ils sont censés découvrir le monde, là, et c'est pas toujours évident. Mais on commence de plus en plus à nous informer au niveau de la politique dans nos cours. Journaux télévisés. On vous informe comment, par exemple? La télévision. la télévision, le journal. C'est, oui, mais lequel? Quel journal? Quel... Sur la 2. Il y a la 2. RTL, la RTB, RTB. Ouais, bah, les chaînes françaises, quoi. Avec les... Belge. Non, belge. Belge, ouais, belge, mais qui parle français. Et quoi, on vous montre un journal parlé, un journal télévisé. Oui, doit... Comment ça se passe? En fait, on doit faire des recherches sur chaque parti politique et. Ah ouais, comme ça, c'est un peu chaque. On fait un exposé devant la place pour leur apprendre, enfin pour leur rendre discussion. On doit aussi faire un exposé sur des faits d'actualité importants qui sont passés durant les deux dernières semaines. Voilà. On doit les présenter à toute la classe pour. Pour qu'on reste connecté. Connecté à la société et qu'on sache ce qui se passe, quoi. Qu'on soit pas. Oui, connecté de toute façon à la société, on l'est via tous nos outils technologiques. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment comment vous décodez, comment on vous apprend à décoder, par exemple, une info, si elle est vraie, si elle n'est pas vraie, comment est-ce que sur Internet, comment est-ce que sur les réseaux sociaux, vous comprenez qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, est-ce qu'on vous apprend tout ça? Internet, on se méfie un peu, mais quand c'est au journal, quand c'est à la radio, souvent c'est vrai, quoi. Donc Internet, on se méfie un peu, mais quand c'est à la télé ou la radio, ben c'est vrai, donc... Il y a un truc énorme qui vient de se dire là, et enfin voilà, c'est ça aussi, un micro à l'impro avec plein d'autres gens autour, ça fuse, vous savez plus toujours où bien donner de la tête. Mais j'aurais aimé approfondir cette idée de penser que sur Internet on se méfie un peu, et puis sur la télé, et puis à la radio, ben ce qui se dit et ce qu'on voit, c'est la vérité. Alors que évidemment c'est Ça vaut la peine de dire plein d'autres choses. Il faut toujours savoir garder un avis objectif. Non, ça n'existe pas. L'objectivité complète, ça n'existe pas. Mais voilà, au moins, être critique. Au moins, être critique. Et vraiment avoir son opinion et chaque fois comparer une autre avec la sienne. Vraiment, chaque fois, et tirer le pour du contre, le bien du mal. Il faut être informé de tout. On ne peut pas avoir un avis sans savoir comment ça se passe chez les autres, tout ça. Il faut être informé sur un peu tout ce qui se passe. Oui, mais tout quoi, tout. Par exemple? Parce que c'est énorme, tout, hein. Mais par exemple, si on est pour un parti, faut savoir... Les partis, on s'en fout, non? Si on est pour... À moins que tu sois... Que tu aies vraiment envie d'en parler, de ton parti. C'est quoi, ton parti? Non, moi, je suis un blinx. Si, allez, sérieux. Pas spécialement. Allez, non, mais vas-y, on peut en parler franchement. Moi, j'ai justement fait un reportage récemment sur les gros. Il y a à Bruxelles, comme ça, il y a un local du mouvement Nation. Oui. Tu vois le mouvement Nation ou pas? Non. Vous voyez, c'est quoi le mouvement Nation? Pas trop, vraiment pas. Bon, c'est un parti d'extrême droite. Oui. Ah oui. Comme le Front National. Oui, ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est chapeauté au Parlement européen par Marine Le Pen, quoi. Ah, ok. Ah, mais c'est français, le mouvement Nation. Non, le mouvement Nation, c'est belge, mais ils se mettent à plusieurs au Parlement européen pour être plus forts. Ah, oui. Et vous savez bien qu'en France, bon, Marine Le Pen, c'est quelqu'un, on la connaît, quoi. Elle a fait beaucoup parler d'elle, surtout ces derniers mois. Sur la toile. Vous savez ce qui va se passer en France. Ouais, il y aura un nouveau président bientôt. Elle est buzzée. Et comme dit, les sondages disent que ce sera toujours Marine Le Pen contre quelqu'un. Il y a beaucoup de retweets. C'est quoi, ça? Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, Madame Deum, notre professeure de géographie, nous a dit que dans FGS, formation géographique et scientifique, que dans les sondages, c'était toujours Marine Le Pen contre quelqu'un d'autre. Là-bas, parce qu'elle a vraiment elle a une bonne implication au niveau français. Elle est très très appréciée, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai pas compris ce que vous venez de dire. Marine Le Pen contre quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Je comprends pas en fait ce que vous voulez me dire. Oui, pour le deuxième tour des élections. Voilà, le deuxième tour des élections. Dans les sondages, tous les sondages disent que ce sera que Marine Le Pen sera toujours contre quelqu'un d'autre, mais qu'elle sera toujours. Elle sera gagnante, quoi. Elle sera. Elle aura une majorité des votes, quoi, de la population. Là, maintenant, ce qui va se passer là dans le futur, ouais, deuxième c'est, ce que, bah, c'est ce que prévoient les journaux dans les sondages. C'est ce qu'on. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui votent extrême droite. Oui, surtout en France. Personnellement, je trouve ça inquiétant. La politique, vous savez, c'est vraiment comme une fonction sinusique, ça. Hein. Ça monte et ça descend, ça assez haut, ça assez bas. Mais voilà, chaque fois, les gens de gauche, pour contrer cela, pas spécialement d'extrême gauche, mais simplement de centre-gauche, vont se rapprocher de l'extrême, mais de leur gauche, pour mettre un équilibre sur cette balance qu'est la politique. Toi, tu vois ça comment ? Tu penses quoi ? Mais honnêtement, on peut tenir des propos, voilà, mais au moins on en parle, hein, si jamais vous trouvez que... C'est le but, hein. Bah, c'est vraiment le but, hein. Oui, mais tu penses quoi, toi, de tout ça ? On s'en fout des partis, mais simplement des valeurs de la société, du vote, par exemple, en France, des gens qui votent de plus en plus raciste. Ça va quand même fort à droite, mais de manière vraiment très, très forte. Je pense que c'est plus fait par peur. Trop forte. C'est vraiment par peur. Les gens ne comprennent pas, excusez-moi de prendre cet exemple, mais... Par exemple, l'immigration, que c'est seulement temporaire et qu'il faut penser à aider la société et non pas simplement en avoir peur du changement. Pourquoi tu dis que l'immigration, c'est temporaire ? L'immigration, en fait, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis toujours. Mais par exemple, allez, on ne va pas cacher le sujet. En Syrie, les gens qui viennent se réfugier chez nous, ils auront évidemment la nostalgie du pays. Ils voudront retourner chez eux une fois le conflit fini. Mais ça, chez nous, notre mentalité, elle ne comprend pas ça. Elle ne veut pas se dire « Oh, c'est seulement un changement. » Voilà. Je pense qu'en fait, c'est... Maintenant, on a tendance à mettre tout le monde dans un même sac. Par exemple, on voit... C'est notre prof de religion. On voit un immigré qui a fait quelque chose. Mais pour certaines personnes, tous les immigrés ont fait ça. C'est ça qui fait que maintenant le Front National a très augmenté en France. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, il y a un problème avec le travail, il y a un problème avec l'Union Européenne. Enfin, tu vois, il faut écouter. Est-ce que vous avez déjà écouté un discours facho ? Est-ce que vous avez déjà écouté le discours d'une Marine Le Pen ou même du coup sur Facebook, Donald Trump ? Moi, je vois pas ça. Il dit quoi, par exemple, Donald Trump ? Ça manipule la peur des gens. C'est un con, mais à un niveau... Mais pourquoi tu dis ça ? C'est incroyable, quoi. Tout ce qu'il veut mettre en place, ça ne me plaît pas. Quoi, par exemple ? Il y avait quoi ? Remettre la peine de mort. Dumbledore ? Non, mais. Remettre la peine de mort dans tous les États. Je pense supprimer l'avortement ? Non, mais en fait. Pourquoi supprimer l'avortement ? On ne peut pas supprimer l'avortement. En parlant de Donald Trump, il a pris fonction aujourd'hui, je pense, on est le 20 janvier. Mais voilà, je trouve qu'on caractérise fort Donald Trump. Vous êtes quand même au courant. On caractérise fort Donald Trump parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a de bonnes idées aussi. Il veut remettre de l'emploi, de l'économie dans son pays. On voit directement les défauts qu'il a au lieu de voir aussi les qualités qu'il essaie de donner à son pays. Pour revenir sur ce que ma camarade a dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur les propos envers Donald Trump et l'avortement, je pense que l'avortement, il ne faut pas le supprimer, mais il faudrait peut-être revoir la règle. Parce que des gens profitent de l'avortement comme si c'était un moyen de contraception. Excellent. Mais tu répètes des trucs que tu as entendus. Je t'assure que c'est pas ça. C'est juste ? Qu'est-ce qui est juste ? Que des gens profitent de l'avortement comme un moyen de... Mais non, l'avortement, c'est pas quelque chose de... Mais non, pour moi, l'avortement, quand on y a accès, c'est jamais marrant pour une femme, tu vois, c'est pas rigolo. Il y en a qui en profitent quand même. Mais non, il n'y a pas de profit là-dedans. Là, c'est le discours. C'est le discours, justement, de ceux qui veulent arrêter l'IVG, mais c'est... Non, il n'y a pas... On joue pas avec tout ça, tu vois. Tu comprends ce que je dis ? Non, oui. C'est pas marrant, c'est pas marrant d'avorter, tu vois. Oui, mais c'est ceux qui veulent arrêter l'IVG qui disent oui, mais. J'ai fait un exposé sur l'avortement en cours de religion. Non, si c'est vrai. On a fait. Oui. Écoute. Et ça, on a appris beaucoup de choses dessus au niveau de sa légalisation. Au niveau vraiment éthique et moral. Éthique et moral de l'avortement, et voilà. Ça dit quoi ? L'embryon, il est humain après 20 semaines. L'avortement, il est légalisé avant 20 semaines, en fait, parce que... 12 semaines en Belgique. Le fœtus n'est pas considéré comme une personne. Le fœtus n'est pas considéré comme une personne au sein de la société. Éthique. C'est ça la question éthique de l'avortement. Est-ce que le fœtus, si on avorte, est-ce un crime ou non ? C'est vraiment ça la question principale qu'on se pose. Et c'est un avis subjectif pour chaque personne, comme Donald Trump ou un autre candidat qui sera pour l'avortement. C'est vraiment une question de mentalité, de culture. C'est sûr, et en même temps, c'est les femmes qui le vivent. Tu vois, c'est marrant, c'est les hommes qui font la loi, mais c'est les femmes qui vivent. Moi, je trouve que c'est... C'est le corps de la femme et c'est elle qui doit décider de ce qu'elle veut. C'est le corps de la femme, elle doit décider. Le cœur. Le corps. Le corps. Je pense qu'il faut aussi il faut qu'elle décide de ce qu'elle veut en faire. Oui, oui, à la base. C'est une question de... Comment ? Stabilité au niveau de sa vie, de ses, comment dire, ses choix, voilà, et de ses capacités à élever l'enfant. Bah évidemment, je vous dirais, puis on se met pas enceinte comme ça pour rigoler, puis on va avorter. Oui, on se met pas enceinte comme ça pour rigoler. Oh, je me suis trompée, je vais aller me faire avorter. Ça se passe pas comme ça. Hein. Tu réfères un réquisitoire maintenant? Non, mais je trouve ça chouette. Là, c'est vraiment chouette de ce qu'on parle parce que là, ça peut en faire vraiment une émission de radio. Hein. Ouais. Des jeunes de 16 ans comme ça, de libre amont. Le trou de cul du monde. Non. C'est combien de kilomètres de Bruxelles, ça? Une heure et demie en voiture. Un petit peu trop, moi. J'ai en kilomètres. 106. Non, 142. Non. Une heure et demie, c'est 100 et des poussières. Un peu plus 100 kilomètres. Émile, comment on dit des joues? On est vraiment à l'opposé, en bas à droite de la Belgique, quoi. Près de Bastogne, Arlon. On est à 30 minutes des deux frontières françaises et Luxembourg. Ich ja noch akkur. Il faudrait causer encore un petit peu un thème, une idée. À propos de quoi? Justement, trouvez-vous une idée? À propos, moi je dis. C'est quoi la prochaine idée? Non, ça c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Moi je connais pas donc. C'est quand même non, mais on peut. Tu vois que tu vas pas parler. Question jeune. Moi j'ai une question jeune. La boisson. Non, moi je dis le tabac. Le tabac, parlons-en. Ça ne va pas, madame. Mais d'abord faisons un petit selfie. Attends. Non, mais il faut qu'elle soit belle. Mais non, attends, je suis pas dessus. Opni, me frère. Dus. À propos de la boisson, moi je crois. La boisson et le tabac? Non, le tabac. Le tabac, ça ne va plus. T'as envie de parler de ça? Non, pas spécialement. Bah, si, enfin, ça va. Moi, je trouve les que... jeunes de nos jours fument beaucoup trop. Mais ouais. Les jeunes de toujours fument beaucoup trop. Alors qu'on est conscient du risque, mais quand même, il y a toujours cette envie de... Allez, une chouette idée, pas des trucs bidons de cigarettes, d'alcool et de... Allez, une chouette idée. Parce que... On parle des jeunes qui fument pour l'instant, mais il y a pas longtemps de ça, on offrait des cigarettes aux communions des enfants. Est-ce que c'est normal? Mais combien de temps, tu dis? Il y a 50 ans de ça. 50 ans, les gens changent. Les gens ne savaient pas encore. Tu sais qu'il y a 50 ans, pour vendre la cigarette, on disait qu'elle était bonne. Hein. Oui. On ne savait pas encore que c'était dangereux. Non, si, on le savait, mais on a payé des gens pour dire le contraire. Hein? Bah oui, attends, quand tu fais une clope, tu sens bien que... C'était pour montrer que c'était viril et pour une femme, ça faisait classe. Et puis surtout, ça fait vendre. Voilà, ouais, aussi. Ça. Les usines... C'est une drogue. Je pense qu'il ne faut, jamais commencer la cigarette. Non, jamais. Parce que ça dépense beaucoup de... Ça coûte beaucoup d'argent, il n'y a plus beaucoup de travail dans notre pays. Beaucoup de énergie aussi parce que... Allez, un autre sujet de la cigarette, on s'en fout. Allez, un truc qui vous tient à cœur, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On a déjà parlé du jumelage. Non, mais on parle de notre correspondant, chacun à son tour. Non, c'est nul, ça. Ça, c'est nazissime. Hein. La Flandre. Je sais, on peut garder quoi? On peut comparer la Flandre. Tu dis? On a appris beaucoup de choses sur la ville d'Anvers. Ah bon, on dit chacun quel genre? On a visité des bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle là? Elle dit quoi? Hein? Bah attends, ça fait depuis tantôt que. Bah oui, non, bah non, mais non. Mais non. Moi, je voudrais parler de la. On arrive où, madame? La différence entre les Wallons et les Français. Mais ça, c'est fin de Stalik. Ok. J'ai l'impression que ça fait un bail qu'ils nous disent. Ouais, ça fait un bail. On tourne en rond ou quoi? C'est... c'est un train fantôme. On est un train fantôme. Faut faire sur la SNCB. Elle y arrive. Parler sur la SNCB. La SNCB, ouais. Parlons-en. La SNCB. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la SNCB? Non, non, moi je trouve la différence. Sur quoi? La différence entre les Wallons et les Flamands. Hein? Oui, la différence entre les Wallons et les Flamands. Justement. Skillen de Tussen Wallen et Zambien. Attention, madame, tu veux passer. Oh non, ça va. Allez-y, madame. Attention. Donc on est dans le train. Ça, c'est un bail qu'on nous dit qu'on arrive à Otigny, non? Ça fait des avantages du coup, c'est que tout le monde qui passe. C'est le terminus à Otigny? Mais non, c'est Namur. Et pour conclure, j'aurais envie de rajouter, eh bien, faisons gaffe à l'uniformisation de nos idées, de notre pensée. C'est juste ça qui me vient à l'esprit. À l'uniformisation de notre pensée.